Re-bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la Lombe des Ondes. C'est le temps de la deuxième heure de l'émission, deuxième partie du Bloc de l'Est Québec-Ontario. Mais juste avant, je tiens absolument à remercier des gens très, très spéciaux qui m'aident comme ça à rentrer chez vous et à vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM Chétican, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa. Et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan. CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, oui, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Beau bonjour à tous les gens qui m'écoutaient dans tous ces coins de pays-là. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec la deuxième partie du Bloc de l'Est. Ça commence avec Céleste Lévy qui, j'ai un petit clip sur ma page Facebook des foleries qu'ils peuvent faire souvent en studio pour se détendre. C'est vraiment charmant et c'est sur une très belle musique. Je serai là, c'est ce qu'on va entendre dans quelques instants. L'album, là, je pense qu'il devrait arriver ces jours-ci, a été lancé du côté de la 4e salle du Sénat tout récemment. Donc l'album devrait être disponible. Allez faire un tour sur www.apcm.ca, c'est sûrement là. Donc on va écouter justement une première pièce de ce nouvel album de Céleste Lévy. Voici « Je serai là ». Même si le ciel est triste, que les nuages touchent le soleil, que les vagues dansent sur un autre rythme, tu es seul à ton réveil, je serai là, je serai là. Même si les jours sont longs, chaque heure est à franchir. Si tu cherches encore la maison, faire un choix ça te déchire, je serai là. Je serai là. On sait bien que le monde tourne à l'envers. La vie est un fleuve qui coule. Je sens le courant qui roule. Filons, filons jusqu'au bout du temps. Là où les rêves se jettent dans l'océan. Au bord de l'eau, je vois défiler tous ces paquebots qui naviguent vers d'autres cieux. Comme ma vie qui passe devant mes yeux, devant mes yeux. Oh, même si mon corps est sur la rive, je sens mon cruelle de me faire vendre ma terre, mon pays. Tu ne vois qu'à le haut, qu'à le haut, qu'à le haut. Tu ne vois qu'à le haut, qu'à faire Marie. Elle est aride, aride ta terre. Abandonne-la étant un tout petit. Sont plus roses, allez en ville, mais je reste ici. Malgré sa peine, sa part, sa tristesse, il n'abandonne jamais son pays. Les années, elles passent, elles passent, elles passent. Et sur la terre de la fleur, mon joli, le mari se promène, seul sur ses plaines. Il ne lui reste que l'amour de sa vie. Mon joli, il lui dit belle, vous êtes cruelle de me faire vendre ma terre, mon pays. Mmh. Ma terre, mon pays de Haricots, groupe de la baie géorgienne, dont trois sœurs, Kelly, Jill et Nicole, accompagnées de leurs parents et un musicien. Ils font la tournée comme ça, la tournée scolaire cet automne, ainsi qu'au qu'à l'hiver prochain. Donc, ils seront très, très, très occupés. Ils auront remporté cette tournée scolaire lors du dernier... dernier contact ontarois qui a eu lieu en janvier 2018. Donc, beaucoup de spectacles à faire dans les écoles. Aussi, il y aura quelques spectacles grand public. Si vous aimez ça, eh bien, allez faire un tour sur haricots.com, si je ne me trompe pas, ou haricots sur Facebook, et vous allez découvrir un bel univers tout en famille. Autre belle chose qu'on a entendue, c'est le fleuve de Damien Robitaille, et je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment génial, sur ma page Facebook de Canrock. Il y a un petit clip de Damien Robitaille qui joue ces jours-ci à Saint-Bruno de Montarville. Il a composé une chanson pour les gens de Saint-Bruno de Montarville. Très prolifique, ce Damien Robitaille-là. Et puis, je pense que c'est le genre de tune qu'il pourrait tourner à la radio. C'est vraiment bien fait. Donc, lui aussi repart en tournée cet automne, un peu partout, surtout dans l'est du Québec, avec Rosex, je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ce qu'il m'avait dit cet été lorsqu'il est venu ici au Festival du Loup à La Fontaine. Ça nous amène à notre bloc de musique instrumentale et ces jours-ci, on célèbre bien sûr le 25 septembre, la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes en Ontario. Donc, j'ai pensé peut-être vous offrir trois groupes Franco-Ontariens, deux groupes et un artiste qui sont des légendes un peu ici en Ontario. Et qui ont des pièces instrumentales. Donc, on va commencer ça avec Spirit of the North, de l'album Au nom de notre vie, de Cano, bien entendu. Par la suite, 33 Barrettes. 33 Barrettes ont connu quand même une certaine gloire à l'époque, justement, de Cano, Robert Paquette, etc. Et en 2000, je m'en souviens bien, ils ont sorti un album, je suis content. Sur cet album-là, il y a Morrison Jig, qui est une très bonne pièce, classique là, de la musique folklorique celtique un peu. Ils en font une très belle version, vous allez voir, donc ça s'en vient également. Et si je dis Robert Paquette, c'est que on pense souvent que Robert Paquette, c'est que de la chanson. Oui, c'est le plus grand auteur-compositeur-interprète de l'Ontario français. Mais sur ses albums, il y a quelques pièces instrumentales, dont une que j'adore énormément, qui s'appelle « L'envolée », tirée de « Au pied du courant ». Donc, très bonne pièce instrumentale, « L'envolée », Robert Paquette, ça s'en vient. Mais pour l'instant, Cano, groupe mythique franco-ontarien qui nous offre Spirit of the North, tiré de l'album Au nord de notre vie.